Djihad était un bougnoul qui moutefois fut injustement recalé de boîte de nuit par des nègres racistes. Ses emplois furent aussi précaires que sa vie sexuelle confinée à la cave insalubre d'un terre-terre maudit. Ainsi fut-il recalé de Noroto, parce que c'est un bougnoul. C'est alors qu'un jour d'Halloween, cette rage sourde domina irrémédiablement l'affable Djihad, qui aimait la nature et les pains au chocolat. Ce qui le poussa à consulter des sites internet de Daesh sur lesquels, au fil des jours et des semaines, défila sous ses yeux ébahis, décapitation et autres démonstrations de virilité orientale. S'ensuivit l'écoute des vidéos du polémiste Alan Sokal, qui affirmait que les sionistes étaient à l'origine de Daesh, puis de Kemi Seba, qui affirmait que les Noirs devaient retourner dans les arbres. Djihad s'était radicalisé, et tous les mystères de l'histoire de ce monde lui semblaient désormais clairs comme de l'eau de roche, de la chute de l'Empire Maya à l'éviction d'Olivier Chiabodo. La préparation d'un attentat suicide contre l'imam Chalgoumi devint évidente. Tacos en main, Djihad consulta avec passion la page nitrate de potassium sur Wikipédia, vérifiant bien entendu que ladite substance soit halal. Il posta par ailleurs des versets du Coran sur son compte Facebook, non sans avoir activé au préalable le VPN du navigateur Opera. Un jour, tandis qu'il cherchait sur l'internet des citations de Yacine Bellatar, s'affichèrent en guise de suggestion des sites gays. Ce ne fut hélas pas évident pour le melon malin qui cliqua sur l'un des liens hypertextes proposés, croyant reconnaître sur telle photo l'humoriste franco-marocain. Pris d'un réflexe colérique en réalisant sa méprise, il renversa inopinément le contenu de son Capri-Sun sur ses périphériques USB que soudain son ordinateur fut incapable de reconnaître. Starfoula ! S'écria Djihad, soudain impuissant à pouvoir stopper la vidéo qui illuminait son écran de 1000 pixels homosexuels. Suant et suffoquant, il s'élança à l'arrière de son Macintosh et déconnecta la prise HDMI, qu'il s'empressa de mettre dans son cul, car un arabe reste un arabe, et bien peu de choses ne sont pas rentrées là-dedans un jour ou l'autre. Comme possédé par l'atavisme maghrébin qu'avait fait réémerger ses visions fort peu halal, il rencarda un français sur un site de rencontre. Et se fit enculer. Par suite, le français de retour à la maison se connecta sur son compte F de souche pour déplorer la présence halogène en France. Certes, Dieu se rit des causes qui chérissent les effets, des conséquences de leurs causes.